Quatrième et dernier temps de notre histoire du Pacifique dans la Fabrique de l'Histoire. Et pour terminer notre série, nous allons remonter le temps et nous demander ce qu'allaient faire les Européens dans cet espace lointain entre le XVIe et le XIXe siècle. Après avoir évoqué le Pacifique au XXe siècle dans nos trois premières émissions de cette semaine, nous allons remonter aux origines de la présence européenne dans le Pacifique depuis le XVIe siècle. Qu'allaient donc chercher les Espagnols, les Portugais, les Hollandais, les Français et les Anglais dans le Pacifique? C'est ce que nous verrons avec Anaïs Quien qui a préparé cette émission avec nous et cette semaine avec nous et avec nos trois invités, avec Claire Lowe. Elle est en duplex avec nous depuis Bordeaux, les studios de Radio France que nous remercions de l'accueillir. Donc elle est professeure d'histoire contemporaine à Sciences Po Bordeaux. Elle est auteure entre autres du Pacifique au 19e et au 18e et 19e siècle, une confrontation franco-britannique, enjeux coloniaux et rivalités géopolitiques chez Cartala. Nous serons également avec Clotilde Jacquelard, qui est maître de conférences en espagnol à Paris-Sorbonne et qui publie bientôt aux éditions des Indes Savantes sa thèse de Séville à Manille, les Espagnols en mer de Chine, 1520-1610. Et puis Romain Bertrand sera également avec nous, il est directeur de recherche au CERI et il est auteur, il y a quelques années, c'était il y a 3 ans maintenant, de l'histoire à parts égales au seuil qui nous raconte l'arrivée de Hollandais du côté de Java à la fin du XVIe siècle. Bonjour Anaïs Quien. Bonjour. Bonjour à vous Clotilde Jacquelard. Bonjour. Bonjour à vous Romain Bertrand. Bonjour. Et bonjour Claire Lowe. Alors, vous êtes en duplex avec nous depuis Bordeaux. On est historien, mais on n'en est pas moins géographe. On est un peu obligé de faire de géographie quand on fait de l'histoire. Alors, si déjà on peut donner à nos auditeurs une petite idée des dimensions de cet espace géographique dont on va parler en 50 minutes sur 4 siècles, c'est une sorte de gageure. Il faut dire quoi pour dire ce que c'est que ce Pacifique que vont découvrir les Européens à la fin du XVIe siècle? Claire Lowe, qu'est-ce que vous en pensez? Presque la moitié du globe. Oui. Pas tout à fait la moitié du globe. Donc c'est un espace géographique immense, un espace géographique essentiellement peuplé d'îles, ce à quoi ne s'attendent pas évidemment les Européens, puisqu'on est dans l'héritage d'un mythe hérité de l'Antiquité, que repris pendant toute l'époque médiévale et les débuts de l'époque moderne, d'un continent austral, c'est-à-dire cette idée qu'il faudrait une masse continentale équivalente à l'Eurasie pour que le globe puisse tenir en équilibre. Et donc, les Européens pensent, et c'est l'un des rêves en fait, qui conduit la plupart des expéditions de découverte pendant l'époque moderne, qu'il doit exister, donc aux latitudes tempérées, un continent austral dont les richesses surpasseraient, d'après les écrits d'un certain nombre de voyageurs ou de géographes en chambre, dont les richesses surpasseraient celles des Amériques. Oui, donc il y a une grosse attente, il y a une grosse illusion, si vous voulez, géographique, pendant toute l'époque moderne, en fait. Oui, si on regarde les cartes, on voit une masse continentale qui n'existe pas, évidemment, aux latitudes tempérées. Clotilde Jacquelard, cette immense masse dont on rêve de loin, sans jamais avoir perçu ce qu'il pouvait y avoir au milieu de cette mer. Tout à fait, un espace dans sa plus grande largeur, je crois. Enfin, un espace d'environ 170 millions de kilomètres carrés. Alors, dans mon travail, moi, j'ai moins vu la Terra Australis, qui est en fait ce que recherchent les Espagnols de l'Amérique du Sud et du Pérou. Moi, j'ai plus orienté mon travail vers le Pacifique Nord et donc la connexion vers ce qui était le Cathay médiéval, c'est-à-dire la volonté de toucher l'autre extrémité de l'Eurasie, de la part des Ibériques au XVIe siècle. Et de toucher donc la Chine. La riche Chine, bien concrète. Et puis, Romain Bertrand, ils arrivent par où, ces Européens, dans un premier temps? Ils arrivent par le sont indiens. On ne peut pas séparer cet océan Indien du reste de ce qu'on appelle aujourd'hui l'océan Pacifique. Oui, c'est manière de rappeler aussi que ce que nous appelons aujourd'hui au pluriel des mers et des océans sont évidemment des espaces maritimes qui ont été découpés, forgés au fil du temps par la cosmographie et plus tard la géographie dans toutes ses déclinaisons. Mais c'est précisément la découverte du fait que ces espaces communiquent par la voie du détroit qui portera le nom de celui qui le découvre et le franchit, Magellan, qui marque un temps d'accélération dans la volonté des Européens de s'emparer de tout ou partie de cet espace. Et de ce point de vue-là, ils arrivent d'une certaine manière, les Espagnols et les Portugais, au même moment, puisque d'un côté, les Portugais ont ouvert la voie par l'Atlantique Sud et l'océan Indien en direction non seulement de l'Inde, où ils établissent leur capitale à Goa en 1510, mais aussi à l'entrée des mers d'Insulinde, avec la conquête de Malacca en 1511. Et dès les années 1520, les Portugais envoient depuis Goa et Malacca tout un ensemble d'expéditions en direction de ce qui les intéresse tout particulièrement, c'est-à-dire les îles aux épices, les Moluques productrices de noix muscade, clou de girofle, etc. Et 1510-1520, mais tout compte fait, c'est à peu près la même époque où des Espagnols, mais venant par l'autre bout du Pacifique, tentent justement de joindre ces îles, justement, et en particulier de conquérir un peu plus tard les Philippines, Clotilde Jacquelin. Oui, tout à fait. Alors, la révélation, en fait, de l'océan Pacifique se fait en 1513 avec Vasco Núñez de Balboa, qui découvre cette mer du Sud depuis l'isthme de Panama, donc qui ouvre les horizons vers un Sud riche et vers la civilisation Inca. Et puis, c'est en 1521, je crois, ou 1520, que Magellan franchit le détroit. Et c'est lui qui révèle l'étendue absolument incroyable de cet océan jusqu'à parvenir à Cebu, aux îles Philippines. Mais il va mourir avant que les Espagnols puissent toucher les Moluques, où les Portugais sont déjà présents dès 1512. Oui, donc on voit bien qu'il y a concurrence entre ces deux puissances coloniales, nouvellement coloniales, le Portugal et l'Espagne. Concurrence pourquoi ? Que vont-ils chercher exactement dans cet océan Pacifique ? En concurrence pour les épices moluquoises essentiellement, les épices les plus fines, le clou de girofle, la cannelle. Donc c'est essentiellement l'enjeu des épices qui domine ces premières décennies du XVIe siècle. Et avant que les intérêts basculent vers la Chine. Alors, ce que j'ai découvert en vous lisant, Clotilde Jacquelin, c'est que, tout compte fait, cet espace pacifique est borné très rapidement par les Européens, les Portugais, on l'a compris, par l'Ouest, et les Espagnols par l'Est, mais qu'il faudra quand même très longtemps à ces Espagnols pour comprendre que pour rejoindre ce Pacifique et ces îles et aux épices en particulier, sans passer par les routes portugaises qui leur sont plus ou moins interdites, il faut passer par Mexico, trouver une route et surtout trouver une route qui vous y emmène, mais trouver une route qui vous ramène à Mexico ensuite. Tout à fait. C'est la vaste question du passage, où lorsqu'on s'est rendu compte que Colomb s'était trompé et n'avait pas atteint l'Asie, les Espagnols ont multiplié les expéditions pour trouver le passage vers le nord, vers le centre et vers le sud. Donc la configuration du continent américain est directement liée à cette quête du passage vers l'ouest, vers les îles aux épices. Donc le Pacifique s'inscrit, est contemporain de la découverte et de la conquête de l'Amérique. Anaïsien. Est-ce qu'on peut parler... Clotilde Jacquelin, d'une concurrence savante entre États à ce moment-là, pour trouver ses routes, pour trouver les représentations de cet océan dans lequel on essaie de trouver des moyens aussi de financer des États et de faire du commerce. Oui, il y a une concurrence politique entre le roi du Portugal et le roi d'Espagne. Et puis, il y a une concurrence sur le plan cosmographique et cartographique avec le passage de Diego Ribeiro, par exemple, avec Magellan, qui passe du Portugal à l'Espagne pour se mettre au service de Charles Quint et poursuivre l'exploration vers l'ouest, puisqu'il pense que les Moluques sont beaucoup plus près de l'Amérique. Il pense à un océan Pacifique beaucoup plus restreint. Et il pense que les îles aux épices tombent dans la sphère castillane et non pas dans la sphère portugaise. Alors, il faut dire que c'est ce qu'on découvre en vous lisant Romain Bertrand dans cet excellent livre qui s'appelle L'histoire à parts égales, au seuil, il faut dire que en fait, il y a une sorte de pression sur tous ceux qui peuvent vous emmener dans cette région-là. On va chercher des voyageurs, on va chercher des pilotes de bateaux, on va essayer de trouver des cartes si on peut les trouver, de les espionner si on ne les a pas, etc., pour pouvoir joindre justement cette merveille que sont les îles aux épices, Romain Bertrand. Oui, et il y a en tout cas du côté du Portugal la volonté de garder pour soi et de façon totalement secrète un certain nombre d'indications nautiques qui permettent de rallier l'océan Indien. Sainte-Hélène, l'île de Sainte-Hélène sera l'un des secrets nautiques les mieux gardés du XVIe siècle, puisqu'il faudra plus d'un demi-siècle avant que les concurrents des Portugais ne la situent exactement. Or, elle est une escale extrêmement importante sur la voie de l'océan Indien. Donc oui, c'est une politique, on envoie des espions. espions. D'ailleurs, les Hollandais, qui vont faire une entrée fracassante dans l'Asie portugaise, ou du moins au port de l'Asie portugaise à la fin du XVIe siècle, procèdent de la sorte, puisque Cornelis de Houtman, qui sera le capitaine de la première expédition hollandaise à rallier Java, part pour une mission, disons, d'écoute attentive et discrète à Lisbonne en 1592. Donc il y a comme déjà ça, de l'espionnage. Oui, de l'espionnage, pas industriel, mais en tout cas géographique. Et une concurrence effrénée entre cosmographes et cartographes, hein, qui s'informent directement auprès des pilotes et des capitaines des dernières trouvailles pour pouvoir actualiser leurs cartes. Et c'est ainsi, évidemment, qu'ils bâtissent aussi leur crédit à la fois savant et commercial. Alors, il faut dire qu'en vous lisant Clotilde Jacquelin, on est étonné. Ça n'est pas si simple, quand on ne connaît pas cet espace géographique, quand on pense trouver, par exemple, un continent austral, de ne pas le trouver. Ça n'est pas si simple de trouver les bons vents, la bonne période pour partir, surtout quand on part d'un côté depuis l'Inde pour les Portugais et de l'autre côté pour les Espagnols depuis le Mexique, la côte du Mexique et du côté d'Acapulco, pour savoir quel est le chemin qu'il faudra prendre. Et il faudra plus de 40 ans, c'est ça, pour les Espagnols, pour trouver le chemin de l'aller et le chemin du retour qui permet d'aller récupérer des richesses aux Philippines et ailleurs, de faire le commerce en particulier avec les commerçants chinois et de ramener, par exemple à Séville, une porcelaine qui mettra, je crois, 18 mois pour partir de Canton pour arriver jusqu'à Séville en passant par cette route pacifique, puis par la route atlantique à travers le Mexique. Tout à fait, 18 mois, c'est le délai le plus court. Hein. On peut parler aussi de 2 ou 3 ans si la porcelaine manque le navire à Veracruz pour poursuivre le trajet dans l'Atlantique vers Séville. Oui, alors c'est une histoire très intéressante que cette première moitié du XVIe siècle, c'est une histoire d'échec, hein. C'est-à-dire que les Espagnols arrivent à trouver assez aisément la route de la côte occidentale mexicaine vers l'Asie, mais n'arrivent pas à rentrer. Et on compte 5 tentatives de retour depuis l'expédition Magellan, et ce sont 5 échecs jusqu'à 1565, où il y a un personnage tout à fait important qui s'appelle Andrés de Urdaneta, qui est un vétéran des Moluques et qui a passé 8 ans aux Moluques dans les années 1530 et qui se trouve à Mexico dans les années 1550. Il est devenu moine augustin et il dit et qui veut l'entendre que lui connaît la route du retour. C'est ce qui va déclencher l'expédition de conquête des Philippines avec Legazpi en 1564. Donc il promet la fin de l'ère de l'errance dans cette zone pacifique. Exactement, la fin de l'errance dans le Pacifique, mais ce n'est pas la fin de l'errance dans les îles, puisque les Espagnols vont encore mettre 5 ans pour passer de Cebu dans les îles centrales des Philippines jusqu'à Manille, Luçon, et établir enfin une connexion durable avec l'Amérique. Oui, parce que la question, c'est la connexion avec l'Amérique, mais de l'autre côté, vous nous expliquez bien, Clotilde Jacquelin, que ce que les Espagnols cherchent, c'est une voie pour pouvoir atteindre justement cette Chine qu'on espère et où on pense qu'il y a des richesses considérables et que cette Chine, justement, va être connectée enfin à l'Empire du Nouveau-Mexique, de la Nouvelle-Espagne, du Mexique, et puis par là, à l'Europe espagnole. Voilà, c'est en fait, pendant la première moitié du XVIe siècle, on peut dire que les intérêts espagnols sont tournés vers les épices, mais là aussi avec un sentiment d'échec et de frustration, puisque le traité de Saragosse de 1529 place les îles, les Moluques, hein, dans la sphère portugaise. Donc les Espagnols doivent quitter la zone, ne doivent plus arriver aux Moluques, et donc il faut trouver un autre moyen d'accéder aux épices en s'installant dans les îles avoisinantes. C'est ce qui explique la présence des Espagnols aux Philippines et de façon illégale, puisque les Philippines tombent dans la zone portugaise. Et c'est donc au début de la deuxième moitié du XVIe siècle que l'intérêt des Espagnols bascule vers les produits chinois avec la conquête de Manille. Alors, on pourrait dire, Romain Bertrand, que si on s'imagine ce qui s'est passé ensuite, on a droit à une colonisation, mais il ne faut pas imaginer une colonisation semblable à celle du XIXe siècle dans ces espaces-là. Il y a très peu de représentants des couronnes d'Espagne et du Portugal. C'est combien de personnes qui tiennent, quand ils tiennent un port de commerce, qui tiennent cet espace géographique? Il suffit quoi, d'une dizaine, d'une quinzaine, d'une centaine de personnes pour pouvoir permettre que justement ces approvisionnements venant de ces îles aux épices soient assurés? Prenons l'exemple concret de Manille, par exemple. L'un des premiers gouverneurs des îles Philippines, Francisco de Sande, estime en 1576 qu'il y a en tout et pour tout dans l'ensemble de l'archipel, en incluant tout type de personnes, c'est-à-dire non seulement les soldats et les marins, mais les vecinos, c'est-à-dire ceux qui sont déjà établis comme colons et comme propriétaires d'encomiendas. Et les missionnaires. Et les missionnaires, il y a en tout et pour tout 500 personnes. 500 personnes. Dans l'archipel des Philippines. Dans l'archipel des Philippines. Et au début du XVIIe siècle, entre 1600 et 1620, Manille, c'est, les documents le disent de façon très concrète, donc Manille intramuros, c'est-à-dire la cité fortifiée, c'est 400 maisons. D'ailleurs, la moitié en bois qui brûle régulièrement et la moitié en pierre. C'est-à-dire au maximum 600, 700, peut-être 800 personnes. Donc ça donne un type de présence très particulier qui est la création d'enclaves côtières qui fonctionnent comme des relais maritimes et le qui développement... n'explore pas l'intérieur des terres. Alors qu'il explore un tout petit peu quand même, puisqu'aux Philippines, on aura l'asservissement de franges côtières des populations et la transformation de ces populations en main-d'œuvre exploitée dans le cadre des encomiendas, avec la production obligatoire d'un tribut annuel. Mais à nouveau, c'est une politique de présence sur les liserés côtiers. Et par exemple, les Philippines, jusqu'à la fin de la période espagnole, des zones entières du sud des Philippines, Mindanao, des portions des Sulu, échappent. Vous voulez dire que jusqu'à la fin du XIXe siècle. Oui, mais jusqu'à aujourd'hui aussi, d'une certaine manière. Je veux dire, Mindanao est toujours en rébellion ouverte contre Manille, supposément toujours la chrétienne. Donc, Clotilde Jacquelaire. Oui, je crois qu'il faut insister sur ce caractère précaire de cette colonie espagnole aux Philippines. On a dans la documentation coloniale l'obligation, soi-disant pour le vice-roi de Nouvelle-Espagne, d'envoyer des secours humains et matériels dans les îles, parce que les gouverneurs disent bien que la population est essentiellement masculine, essentiellement célibataire, et que dans les expéditions de reconnaissance, dans les expéditions d'exploration et les problèmes d'acclimatation au climat tropical, cette population meurt. Donc il faut sans arrêt et de façon artificielle faire venir du monde, qui ne vient pas forcément de bon gré d'ailleurs. Voilà, qui sont ces hommes qui osent s'installer dans sur ces côtes-là? Alors, il y a une partie de marchands, de familles marchandes qui sont liées aux grands marchands de Mexico, qui s'installent comme représentants de ces grandes maisons commerciales de Mexico à Manille. Et puis, il y a quelques créoles. Il y a essentiellement ceux qui vont être les fonctionnaires, ceux qui sont nommés fonctionnaires dans les îles. Il y a les soldats, les marins. Et donc, la grande majorité de ce groupe, c'est un groupe social tout à fait modeste, voire métis et indien, notamment dans les équipages et les marins des galions. Alors ça, c'est extraordinaire, parce que quand on vous lit, on s'aperçoit qu'en fait, ce ne sont pas des Espagnols d'Espagne, de la péninsule ibérique, qui viennent conquérir et s'installer là-bas, mais ce sont déjà des métis, ce sont déjà des gens qui sont créoles, qui sont déjà passés par le Mexique, et qu'au bout du compte, c'est ce Mexique qui a servi de laboratoire de la colonisation plus loin dans le Pacifique, du côté de Manille et des îles Philippines. Tout à fait. La conquête des Philippines a été vraiment une conquête hispano-américaine. Et ce qui est très frappant, c'est que l'Espagne, quand elle cherche à reprendre en main la colonisation et l'administration, cherche à envoyer toujours des gens depuis la péninsule, parce qu'on méprise les créoles, on méprise les blancs nés en Nouvelle-Espagne, et donc on les envoie par défaut. Donc il y a un double courant d'immigration, on va dire, depuis la Nouvelle-Espagne et depuis l'Espagne, mais beaucoup plus important depuis la Nouvelle-Espagne, bien sûr. Anaïs Quin. Oui, puisqu'Emmanuel, vous avez aborder cette question du modèle de colonisation. Est-ce qu'on peut le caractériser rapidement, Clotilde Jacquelaire, pour qu'on ait une idée de ce dont on parle? Alors moi, j'ai l'impression, et c'est tout à fait soumis à débat, j'ai l'impression qu'aux Philippines, on est sur un plan intermédiaire entre le modèle portugais de la factorerie côtière, qui se focalise uniquement sur le commerce, et on est à mi-chemin avec le modèle colonial américain, qui est un modèle de conquête territoriale et d'évangélisation. Puisque Romain Bertrand parlait à l'instant du fait qu'on ne dominait aux Philippines que les franges côtières et le long des fleuves, je défends un petit peu cette hypothèse qu'on est à mi-chemin. On n'a pas les moyens, les Espagnols n'ont pas les moyens de conquérir et d'être présents partout dans 7000 îles. Il ne faut pas oublier, en tous les cas, la question religieuse qu'on retrouvera d'ailleurs au XIXe siècle dans la querelle avec Clairlot tout à l'heure entre les Français et les Britanniques au milieu de ce Pacifique, quand on va aller conquérir ce chapelet d'îles de Tahiti, de la Polynésie ou encore des Marquises. Cette question religieuse est aussi très importante pour ceux qui partent là-bas. Oui, elle est très importante. Alors d'abord parce que les ordres missionnaires sont associés de manière privilégiée aux expéditions notamment hispano-américaine en direction des Philippines, et joueront un rôle extrêmement important aussi, enfin, d'ouverture de front pionnier à l'expansion en compagnie et en concurrence directe avec les soldats, puisque les ordres vont développer un discours extrêmement virulent à l'encontre des modalités de la conquête. Il ne faut pas oublier les religieux, et puis j'ai quand même envie d'ajouter, il ne faut pas oublier non plus que par-delà les concurrences impériales entre Européens, tout ça ne se joue pas dans un espace neutre ou vierge. Ces mers sont aussi des espaces d'expansion de puissance asiatique locale. Lorsque les Espagnols s'installent aux Philippines, évidemment, la Chine a sa propre politique en direction de ce qu'on appelle, du point de vue chinois, les îles du mer du Sud. de l'océan occidental, c'est-à-dire les îles aux épices, le Siam, etc. À partir des années 1560, la Chine change de politique et ce commerce qui avait été longtemps fermé par peur de la montée en puissance de bourgeoisie côtière politiquement trop arrogante est réouvert par un système de licence extrêmement contrôlé. Et puis, dès qu'on pénètre et dès l'orée des îles des Sulu dans ce qui est aujourd'hui l'Indonésie, on pénètre dans une Méditerranée sud-est asiatique, comme l'avait dit Denis Lombard, qui est maillée de ses propres présences commerciales et politiques depuis très longtemps. Donc je pense que c'est important de le rappeler. Et aussi. Des concurrences aussi religieuses, puisque les musulmans, la conquête musulmane s'est faite. Et se poursuit. À ce moment-là, au moment de l'arrivée des Européens. Oui, Clotilde Jacquelin. Oui, pour compléter sur les missionnaires, ils ont vraiment formé un contingent très important dans cette immigration aux Philippines, avec les soldats et les fonctionnaires. C'était vraiment le troisième bras de la monarchie espagnole. C'est ceux qui ont été en contact le plus proche et le plus direct avec les populations locales, puisqu'ils avaient l'obligation d'évangéliser et d'apprendre les langues locales. Donc c'était vraiment les intermédiaires entre les populations et l'administration coloniale, d'où leur regard extrêmement critique vis-à-vis de l'action espagnole, car il ne faut pas oublier tout le poids de l'expérience américaine derrière leur action, les luttes de Las Casas, de Vitoria, et donc tout ce questionnement critique autour de « est-il légal de rester aux Philippines ?» Et que font les Français et les Anglais dans cet espace géographique pendant ce temps-là, Claire Lowe, puisque vous n'êtes pas encore intervenue depuis le début de cette émission, ou très peu, vous êtes spécialiste du 18e et du 19e siècle pour l'espace pacifique et en particulier pour les combats entre Français et Anglais. Qu'est-ce qu'ils font les Français et les Anglais pendant que les Portugais et les Espagnols sont en train de se parler de façon vulgaire, se tirer la bourre dans le Pacifique? Alors, au XVIe en fait, et XVIIe siècle, leurs incursions dans le Pacifique se limitent surtout à des incursions de type corsaire ou piraterie contre justement cet empire, essentiellement contre cet empire espagnol. C'est-à-dire que l'objectif, en fait, le rêve un petit peu des monarchies françaises et britanniques, c'est de s'emparer du fameux galion de Manille avec toutes les richesses prodigieuses. Qu'est-ce qu'on appelle le galion de Manille alors ? Alors c'est donc ce galion qui fait la route justement entre Acapulco et Manille tous les ans, acheminant donc des épices dans un sens et des piastres espagnols dans l'autre. Et donc en fait ce galion de Manille qui en 250 ans n'a été pris que 4 fois, il est 4 fois par des Anglais dont les plus célèbres étant Dampier, le fameux chien de mer de la reine Elisabeth et également l'amiral Anson au XVIIIe siècle qui va en tirer un récit de voyage extrêmement intéressant et ce qui va lui permettre de devenir premier lord de l'amirauté en Grande-Bretagne. Donc c'est avant tout des incursions, si vous voulez, d'ordre un petit peu belliqueuse. Ce ne sont pas encore les grandes expéditions de découverte qui vont commencer à la fin du XVIIIe siècle, on est encore très loin. De toute façon, à part les Espagnols dans le Pacifique Sud et les Hollandais à partir de l'Indonésie, les expéditions de découverte sont relativement limitées, puisque par exemple dans le Pacifique Nord, les Espagnols prennent en écharpe l'archipel des Hawaï pendant 250 ans, donc avec la route du Galion de Manille, sans jamais le rencontrer en fait, cet archipel, alors que c'est le plus grand archipel polynésien. Ils suivent toujours la même route en fait. Une fois qu'ils ont trouvé cette route, ils la suivent en fait. Anaïs Kien. Oui, Claire Lowe, vous insistez aussi sur la persistance d'un sentiment religieux, en tout cas l'appropriation de codes issus des apprentissages de l'enseignement des missionnaires, qui pour autant ne doit pas être interprété comme une soumission ou un consentement total des populations de ces îles dont on parle aujourd'hui. Alors, donc, à partir des grandes expéditions de la fin du XVIIIe siècle, les expéditions franco-britanniques, après la fin de la guerre de 7 ans, donc en 1763, on a ces expéditions de découverte qui, en fait, vont être une rencontre entre les Océaniens, donc Polynésiens, Mélanésiens, et les Européens. Et d'ailleurs aussi un certain nombre de baleiniers venus d'Amérique du Nord. Et ces expéditions vont conduire en fait à une déstabilisation totale des sociétés océaniennes et donc à une sorte de remise en question des croyances traditionnelles qui montrent un petit peu leur inefficacité, par exemple le système du tabou, etc. Et donc à partir de là, quand les missionnaires arrivent, en fait, en quelque sorte, le terrain a déjà été préparé. C'est-à-dire qu'ils arrivent face à il y a une vacance en fait des croyances traditionnelles et les missionnaires vont pouvoir remplir cet espace vacant, proposer le christianisme en fait comme alternative. Le cas le plus frappant est celui des Hawaï, évidemment, où avant l'arrivée des missionnaires, le nouveau roi a aboli le système du tabou en s'asseyant, en fait, en prenant ses repas en même temps que les femmes, ce qui normalement était complètement interdit. Et donc les missionnaires vont avoir cette divine surprise en arrivant de voir que le paganisme est tombé avant leur arrivée, en fait. Alors on va revenir sur toutes ces questions et sur cette évolution longue du Pacifique dans cette émission. On fait une toute petite pause en écoutant évidemment la musique des révoltés du Monti. On December 23rd, 1787, His Majesty's ship Bounty sailed from England, bound for the South Seas. En route, there began a fantastic series of historical events, culminating in the most famous mutiny in history. The dramatic story of that mutiny has, for more than a century, excited the imagination of men, women, and children the world over. From initial conception to completion, Mutiny on the Bounty has been an unprecedented and exciting adventure in the history of picture making. The Bounty herself, built in historic shipyards in Lunenburg, Nova Scotia. First ship ever to be built from the keel up, especially for a motion picture. Then across the world, a truly global project, to the actual locales, the islands of Tahiti and Pitcairn. France Culture, la fabrique de l'histoire, Emmanuel Laurentin. A land that has always represented escape from civilization. 9h33 sur France Culture, vous écoutez La Fabrique de l'Histoire, la dernière émission de notre série sur l'histoire du Pacifique. Alors peut-être faut-il, Romain Bertrand, aussi expliquer l'arrivée des Hollandais dans cet espace géographique. On a parlé des Portugais, on a parlé des Espagnols, on a parlé ensuite au 17e et au 18e de cette façon dont les Français et les Anglais vont essayer de récupérer un peu de cette richesse du sud-est asiatique à leur profit. Mais les Hollandais arrivent à la fin du XVIe, c'est le propos d'ailleurs de votre livre « L'histoire à parts égales ». Ils arrivent, ils tirent trois coups de canon, ils sont là, et ils ont l'intention d'y rester, mais ils trouvent face à eux une sorte de résistance particulière avec des souverains qui n'ont pas du tout l'intention de se laisser faire. Oui. Alors tout d'abord, ils arrivent à des fins qui sont tout autant politiques que commerciales. Il ne faut pas, de ce point de vue-là, retomber dans la mythologie de la course aux épices comme étant le moteur exclusif de tous ces déploiements européens en Asie, parce que l'Espagne et le Portugal, à compter de 1580, sont un seul et même ennemi pour les Hollandais qui sont en guerre depuis 1568 contre le roi d'Espagne. Il faut expliquer à nos auditeurs qu'à partir de 1580, il y a union des deux couronnes jusqu'en 1640. Donc. Exactement. Et donc pour les Hollandais, évidemment, s'insérer aux portes de l'Asie portugaise, c'est frapper un coup contre l'ennemi hispanique, d'une certaine manière, à l'autre bout du monde. Alors évidemment, tout ça est très modeste au début, d'abord parce que c'est une expansion qui se fait à travers des compagnies privées dans un premier temps, et puis à Chartres dans un second temps. Donc ça n'est pas le déploiement ou la projection d'un pouvoir impérial, avec ce que cela charrie d'imposition d'une souveraineté, mais ça passe par des marchands. Et à partir de 1602, par la Compagnie Unie des Indes Orientales, et dans une rivalité permanente avec les Britanniques, puisque les Britanniques ont créé leur propre compagnie, l'East India Company, en 1600. Il y a une première période qui est une période de rivalité assez intense, où Hollandais et Britanniques, mais dans l'espace portugais, créent des factoreries, y compris dans les mêmes villes, au même moment. Et puis en 1623, il y a un épisode célèbre qui est le massacre d'Ambonne, où les Hollandais sont accusés par les Anglais d'avoir torturé et tué un certain nombre de leurs facteurs, les Hollandais pensant que ceux-ci, les Britanniques, complotaient pour les expulser. À partir de 1623, donc, les Anglais, d'une certaine manière, quittent l'insula Inde et les îles aux épices et se rabattent sur ce qui va devenir leur espace privilégié d'implantation, à savoir les côtes de l'Inde. Et les Hollandais restent d'une certaine manière seuls dans la place, seuls mais dans tous les sens du terme, puisqu'ils n'ont pas d'alliés à Java et ils sont opposés à de très puissants pouvoirs politiques locaux. Et il faudra attendre la fin du XVIIe siècle pour que peu à peu les Hollandais soient autre chose que, on pourrait dire, les tenanciers d'enclaves côtières extrêmement réduites. Et la colonisation hollandaise française proprement dite ne commence véritablement qu'au XVIIIe siècle, où là on ouvre les premières plantations, notamment de poivre, qui sont exploitées directement par des agents du pouvoir hollandais, et après au XIXe siècle. Et il y a d'ailleurs un épisode assez intéressant, puisque Java sera française pendant 3 ans, de 1808 à 1811, dans les remises des guerres. Tous ces endroits qu'on a perdus, Louisiane, Java, etc. etc. Donc on voit bien effectivement cette longue évolution que vous nous racontez, Romain Bertrand, dans l'Histoire à parts égales, c'est cette arrivée d'abord de marchands, ensuite de compagnies privées de marchands, avant que progressivement une souveraineté politique ne s'installe, mais il faudra beaucoup de temps pour que cette souveraineté politique ne s'installe, en raison en particulier des résistances des populations locales, des résistances des pouvoirs locaux. Oui, et dans un premier temps, des résistances qui sont des résistances politiques armées, c'est-à-dire que les Hollandais vont essuyer un certain nombre de demi-victoires, voire de défaites contre les troupes locales des sultans de Java. Et dans un second temps, et dans la longue durée, jusqu'à la fin de l'Empire hollandais des Indes orientales en 1942, une espèce de formidable résistance passive des Javanais qui, dans leur univers moral, imaginaire, n'accordent jamais aux Hollandais, donc dans les textes écrits derrière les murs blancs des palais de Java Centre par les scribes, n'accordent jamais aux Hollandais la place prépondérante que ceux-ci réclament pour eux-mêmes dans l'histoire. Anaïs Kia. On entend bien aussi que ce sont des siècles d'élaboration de la posture coloniale. C'est-à-dire le bon colon, les Anglais vont observer les Hollandais vont critiquer les rapports des Anglais avec les populations locales, et on met au point finalement une sorte de code du bon comportement de ces colons, de ces commerciaux, de ces explorateurs et de ces exploiteurs qui va migrer au cours de ces siècles-là, mais finalement chercher des caractères proprement nationaux de la colonisation, selon vous ? Oui, c'est-à-dire que là, il y a un effet idéologique collatéral de l'accroissement ou de l'intensification de la concurrence entre empires. Et effectivement, par exemple, lorsque les Anglais récupèrent Java, de 1811 à 1816, précisément après la période d'occupation par un gouverneur. Parce que les Anglais ont aussi récupéré Java. Mais oui, tout le monde a récupéré Java, mais Java aujourd'hui, est à nouveau seul face à son destin. Mais donc en 1816, lorsque un gouverneur britannique, Stamford Raffles, qui est un espèce de personnage mythologique, très, très célèbre dans l'histoire coloniale britannique, s'installe à Java, il entend libérer les populations javanaises du joug féodal que leur avaient imposé les Hollandais et les Français. Donc chaque pouvoir impérial développe un discours propre de justification qui se présente comme la critique de son compétiteur ou de son devancier en la matière. Comment les Espagnols acceptent-ils, après avoir été des sortes de souverains du monde, cette relative part congrue de leur présence dans le Pacifique, par l'intermédiaire des Philippines, et c'est tout d'une certaine façon, Clotilde Jacquelart. On voit bien qu'ils ont été, ils ont eu la possibilité à un moment d'en avoir plus, ils ne l'ont pas, les Anglais, les Français vont bientôt arriver, les Hollandais sont déjà là, et au bout du compte, ils doivent se contenter de cet archipel des Philippines, ça n'est pas si mal, mais c'est à peu près la seule chose qu'ils ont dans cet espace pacifique. Oui, je pense que les Espagnols y restent parce que c'est tout à fait important et géostratégique d'être toujours présent en Asie. Donc, ils ne renoncent pas du tout aux Philippines. Et pour maintenir cette présence espagnole aux Philippines, il faut absolument maintenir le galion de Manille, qui est le seul attrait marchand et source de bénéfices pour la communauté présente sur place. Et enfin, les Espagnols ne renoncent pas aux Philippines, et notamment au XVIIe siècle, parce que renoncer aux Philippines, c'est laisser la place libre aux Hollandais et aux rivaux dans la région, puisque ce conflit s'est complètement mondialisé depuis l'Europe. Est-ce qu'il n'y a pas aussi une dimension pragmatique, c'est-à-dire que les Philippines, c'est un territoire qu'on peut sécuriser, qu'on peut assurer, où finalement on sort de cette période d'errance, de découverte un peu au fruit du hasard. Ce poste-là, on est assuré de pouvoir s'en servir, le sécuriser, de pouvoir en partir, de pouvoir y revenir. Et finalement, on rend cette politique de présence hispanique bien plus efficace. Oui, alors je pense qu'il y a à la fois sécurité et précarité, c'est-à-dire la volonté de défendre l'archipel et en même temps des soldats toujours en nombre insuffisant et des expéditions de répression ou de défense qui se font à la dernière minute. Donc on est à la fois, on a affaire à un archipel que l'on tient autour de Manille, mais qui est sans cesse menacé par les musulmans du Sud. par les pirates japonais au nord, piraterie japonaise et chinoise en mer de Chine. Alors, Claire Lau, vous qui êtes spécialiste du XVIIIe siècle, si on arrive sur ce siècle très particulier, et plutôt à la fin d'ailleurs de ce siècle, ce XVIIIe siècle, puisque vous dites qu'il faut attendre les années 1760-70 pour que les rivalités entre France et Angleterre s'étant plus ou moins calmées, là, il y a une sorte d'émergence des grandes expéditions dans le Pacifique Sud en particulier, vers la Nouvelle-Zélande, vers toutes les îles de la Polynésie, par exemple, qui sont devenues françaises depuis. Et là, une sorte de concurrence. Tout à l'heure, Anaïs disait cette course un peu au hasard, mais on a un peu l'impression aussi qu'il y a cette course au hasard parce qu'on n'a pas découvert ces îles auparavant et on finit par les découvrir. Et il y a un nouvel entrant au tout début du 19e siècle. C'est évidemment le territoire américain et ce sont les États-Unis qui vont petit à petit, dites-vous, tenter là aussi de jouer leur carte. Mais ça, c'est plutôt vers la fin du 19e siècle. Qu'est-ce qui se passe justement dans cette concurrence entre Français et Anglais, qui est une concurrence à la fois religieuse, puisqu'il y a des missionnaires qui partent, protestants d'un côté, catholiques de l'autre, d'expéditions aussi, de découvertes, là évidemment avec toutes les tentatives encyclopédiques qui sont développées à ce moment-là, et puis ensuite de transformation de tout cela dans le domaine politique, Claire Lau. Alors, il y a plusieurs temps, en fait. On peut vraiment distinguer plusieurs temps. Donc, à partir de la fin du dernier tiers du XVIIIe siècle, effectivement, il y a un changement de contexte. La levée du secret dont vous aviez parlé sur la découverte géographique, en fait, c'est très important. Il y a vraiment cet esprit des Lumières qui est de combler les blancs des cartes, c'est-à-dire une quête intellectuelle. Et donc, on a des grands voyages de découverte qui sont lancés, qui ne sont pas des voyages à visée directement coloniale. C'est-à-dire qu'on n'a pas... Français et les Anglais ne cherchent pas à s'approprier les terres qu'ils découvrent. On interdit même à La Pérouse, d'ailleurs, dans son expédition, d'être colonisateur. On lui dit expressément qu'il ne faut pas qu'il colonise. Tout à fait. C'est vraiment des voyages de découverte dans le sens de rencontres avec d'autres populations, d'autres cultures. Dans un second temps, donc on a à partir de 1797, enfin il y a un échec avant des franciscains, mais véritablement un déferlement en quelque sorte missionnaire sur ces îles. Et ce qui est intéressant, c'est que la phase coloniale à proprement parler ne vient que quelques décennies plus tard. Donc pendant plusieurs décennies, on a une sorte de face-à-face entre les missionnaires et les populations océaniennes, avant donc la colonisation qui commence en 1788, c'est vraiment un petit peu isolé pour l'Australie, avec l'arrivée des premiers bagnards, mais 1840 pour la Nouvelle-Zélande, et pour la plupart des îles, c'est plutôt à partir des années 1870-1880. Donc il y a vraiment trois temps chronologiquement, et également, donc, trois temps qui marquent la rencontre entre ces populations océaniennes et les Occidentaux. Et l'arrivée, comme vous l'avez dit, des Américains. D'abord, dès la première moitié du 19e, des baleiniers, qui jouent un rôle très important, des missionnaires et des baleiniers, les missionnaires puritains de Nouvelle-Angleterre, aux Hawaï par exemple, et des baleiniers. Et puis, une présence politique, en fait, américaine, de plus en plus forte et qui se concrétise évidemment par l'annexion des Hawaï en 1898 comme une sorte de prolongement de la frontière pour les États-Unis. Et si on fait une histoire à parts égales façon Romain Bertrand de ces populations-là, elles disent quoi? Elles voient quoi? Elles entendent quoi de cette arrivée de ces Européens, Français et Britanniques et puis ensuite de ces Américains sur leur territoire? Est-ce qu'elles en ont entendu parler auparavant? Est-ce qu'elles ont eu des échos de ces présences à quelques milliers de kilomètres? Parce que tout de même, il faut quand même redire la dimension de ce Pacifique, des Français, des Anglais auparavant? Ou est-ce qu'on ne sait rien justement de la façon dont elles accueillent ces populations, cette arrivée un peu rapide en quelques décennies, disiez-vous, de ces Européens sur chacun des îlots du Pacifique? Si, on sait quand même, on a le témoignage d'abord d'un certain nombre d'Européens, en particulier des missionnaires qui écrivent beaucoup, qui ont le sentiment d'être face à des civilisations en voie de disparition, donc qui écrivent tout ce qu'ils voient. On a quand même après toute une tradition orale du côté des Océaniens eux-mêmes qui nous permet de savoir un certain nombre de choses. Alors, il y a une grande variété de cas de figure, en fait, dans ces îles, suivant justement la fréquence, les modalités de ces contacts, en fait, avec la civilisation occidentale. Ces contacts sont toujours... sont toujours des chocs extrêmement violents, hein, puisque l'on a affaire à des civilisations qui étaient des civilisations donc orales, sans écriture, ignorantes des métaux, par exemple. Et en particulier, donc, ces contacts vont déstabiliser totalement les rapports politiques, les rapports militaires, hein, avec l'arrivée d'armes, hein, dans ces archipels. C'est donc une grande déstabilisation culturelle également, et l'effondrement donc un petit peu des cultures traditionnelles, ce qui ne veut pas dire évidemment que dans un second temps, ces cultures traditionnelles ne vont pas ressurgir sous forme en particulier de syncrétisme. Mais dans un premier temps, on a des conversions par exemple extrêmement rapides, parfois la conversion au christianisme, qu'il soit catholique ou protestant, ne prend que quelques mois. Anaïs Kien. Il y a un impact d'ailleurs de cette rencontre sur tous ces siècles, en termes même de démographie, Claire Lowe. Oui, tout à fait. Alors, il y a un effondrement démographique tragique, hein, de ces îles du Pacifique, puisque ce sont évidemment en Océanie des microcosmes, donc des populations qui ne sont pas habituées à ce type de contact, et que les voyageurs, en particulier les marins, introduisent en fait des maladies. Hein, et donc, on a des épidémies. Les Polynésiens, par exemple, parle de temps de la mort importée, en fait, pour traduire cette arrivée des vaisseaux qui, en introduisant des maladies sur des populations vulnérables, fragiles, conduisent à un véritable effondrement démographique. Et c'est une région dans laquelle, évidemment, la colonisation ne s'accompagne pas, contrairement à d'autres régions, d'une croissance démographique, bien au contraire. Romain Bertrand. On a une raréfaction. Romain Bertrand. Oui, alors évidemment, je ne connais rien ou presque au monde océanien, mais j'observe que le terme de rencontre a été fréquemment utilisé et brandi dans l'analyse de ces situations. Cette analyse a donné lieu à quelques-unes des plus féroces batailles entre anthropologues et historiens auxquelles on est assisté ces dernières années, par exemple de la part de Marshall Salins. Comment reconstituer le monde d'avant lorsque l'on n'a plus que la parole propre au moment du contact, hein. Et cette notion de rencontre, une fois encore, j'ai envie de mettre en garde contre son usage acritique, dans le sens où elle réplique le point de vue européen par excellence, qui est que ce qui se passe dans ces situations est de l'ordre d'une sorte de conversation en face à face et en vis-à-vis, une conversation à deux et à deux seulement, entre les Européens et des agents des sociétés locales. Or, c'est peut-être vrai pour le monde océanien, ça l'est en tout cas évidemment pour les mondes archipélagiques de l'Asie du Sud-Est, qu'il s'agisse des Philippines ou de l'Indonésie. Ces mondes étaient des mondes de conversation au long cours avec quantité d'autres pouvoirs. D'autres intervenants. Exactement. Il y a beaucoup d'autres mondes dans l'image, et mondes à la fois au singulier et au pluriel, que simplement les Européens et par exemple les Javanais. Donc cette idée de la rencontre est une notion qu'il faut manier avec prudence, parce qu'elle tend à faire disparaître de l'image que nous avons de ces situations de contact l'ensemble des réseaux de relations que les sociétés locales, asiatiques, océaniennes, entretenaient avec d'autres sociétés. Et dans ce réseau de relations qui préexiste la plupart du temps à l'arrivée des Européens, les Européens n'apparaissent dans un premier temps que comme des intrus, et dans un second temps n'arrivent jamais à prendre, on pourrait dire, le tout de l'espace imaginaire et politique. Oui, ce que vous voulez dire, c'est que ça n'est pas simplement un face-à-face, mais c'est une conversation à plusieurs, un peu comme si on mettait ici, d'ailleurs comme la conversation que nous avons avec Claire Lowe depuis Bordeaux, on mettait un duplex et on mettait tout le monde en train de discuter autour d'une même table, mais venant d'horizons très divers. Vous avez cette impression, Claire Lowe, justement, qu'il y avait, est-ce qu'on sait, les conversations, disons, inter-insulaires qui précèdent l'arrivée de ces Européens, qui ne sont pas simplement un face-à-face entre Européens et habitants de ces îles. Ce que vient de dire Romain Bertrand est extrêmement intéressant, et ça montre bien un petit peu aussi la spécificité du cas océanien, parce que dans le cas de l'Océanie, on a comme un très très grand isolement insulaire, qui est très différent bien sûr de l'Indonésie ou des Philippines, où pour ce qui est de l'Océanie, on peut isoler la Micronésie qui, elle, effectivement, a été découverte, entre guillemets, par les Espagnols dès le XVIe siècle et qui, elle, effectivement, est prise dans ces réseaux. Mais pour ce qui est de l'essentiel des archipels polynésiens et mélanésiens, on a cette situation d'isolement qui fait que le contact avec les Occidentaux est dans un premier temps un véritable choc. Hein. Je vous ai parlé par exemple des Hawaï avec cette rencontre qui est totalement inédite évidemment pour les populations. On a, vous le savez, ce mystère du peuplement effectivement extrêmement sur une très très grande surface par les Polynésiens. On ne sait pas exactement, il y a encore des débats sur l'origine de ces Polynésiens, probablement malais. Hein. Mais après, si vous voulez, il y a eu véritablement une coupure due aux distances géographiques, en fait, qui créent des situations d'isolement et qui fait que je pense que pour l'Océanie, le terme de rencontre est effectivement plus approprié, puisque bon, il y a des échanges, si vous voulez, mais dans le cadre des archipels, simplement, et pas évidemment, par exemple, pas avec la façade américaine, pas avec les façades asiatiques. Anaïs Quin. Oui, justement, on a beaucoup parlé depuis le début de cette semaine du Japon, qui est devenu un acteur majeur de cette zone du monde. Claire Lau, à quel moment, finalement, on voit apparaître cet acteur japonais dans l'ampleur qu'il va prendre au XXe siècle? Est-ce que ça commence dès la fin du XVIIIe? Est-ce qu'au XIXe, on voit un intérêt croître de la part du Japon ou des Japonais? Pas forcément d'ailleurs un intérêt étatique. Alors on a déjà par l'arrivée en fait des Japonais, mais dans le Pacifique Nord, hein, simplement, évidemment, pour des raisons géographiques évidentes. Donc l'arrivée de l'installation de communautés japonaises, de migrants japonais en fait aux Hawaï, comme on en a aux États-Unis, si vous voulez, et dans les archipels en fait de Micronésie, donc dans le Pacifique Nord. L'intérêt véritablement politique, hein, est plus tardif, date davantage de l'entre-deux-guerres, de la période donc où se met vraiment en place un impérialisme japonais qui inclut en fait en quelque sorte ces archipels en fait pour des raisons stratégiques, hein, puisque l'impérialisme japonais est vraiment un impérialisme comme de proximité, hein, beaucoup plus que les impérialismes français ou britanniques. Est-ce que pour traquer cet espace colonial européen dans cet immense océan Pacifique, il faut traquer, Romain Bertrand, Clotilde Jacquelin, l'économie de plantation, ou est-ce que ça n'est pas nécessaire? Est-ce que, par exemple, on peut dire juste que cet espace est colonisé à partir du moment où des Européens, dans des ports francs, commencent à commercer dès le XVIe ou le XVIIe siècle? Ou est-ce que la colonisation, comme on semblait le dire tout à l'heure, c'est véritablement à partir du moment où des économies spécifiques, vous parliez des plantations de poivre des Hollandais du côté de Java, mais on peut parler d'autres plantations un peu partout, justement dans cet espace océanien. Romain Bertrand. Oui, c'est cette différence-là qui caractérise la distinction qu'on utilise assez fréquemment entre le premier âge impérial, qui est celui d'expansion qui ne s'opère pas sous le régime de la souveraineté royale exclusivement le plus souvent, et où il s'agit finalement, par exemple, aussi bien pour les Portugais que les Anglais, les Hollandais dans un second temps, de devenir les maillons de chaînes commerciales qui souvent leur préexistent, et de jouer leur rôle dans des espaces commerciaux déjà opérants. Inversement, au XIXe siècle, effectivement, l'ouverture... Puis dès la seconde moitié du XVIIIe siècle, mais à une échelle beaucoup moindre, l'ouverture d'économies de plantation change la donne et change aussi évidemment la donne du rapport possible aux populations locales. Mmh. Puisque qui dit économie de plantation dit main-d'œuvre servile, sous des statuts qui vont de l'esclavage pur et simple jusqu'aux contrats de travail qui ne sont que des servitudes à très long terme, etc. Donc évidemment, quelque chose change dans la seconde moitié du XVIIIe siècle en termes d'échelle, on pourrait dire, de ces asservissements. Clotilde Jacquelin. Alors moi qui ai travaillé essentiellement sur les Philippines au XVIe siècle, on a essentiellement la structure de la encomienda, c'est-à-dire le fait qu'un Espagnol ait en commande un certain nombre de communautés locales. Comme en Amérique latine. Comme en Amérique, hein, qu'il fait travailler en échange d'un tribut. Donc on n'a pas encore cette économie de plantation qui viendra plus tard, je pense, mais que je connais moins. 18e, je pense. Et pour vous, dans l'espace océanien que vous connaissez bien, Claire Lau, vous dites que la transformation de cet espace océanien tient à l'arrivée massive de cette économie de plantation? Oui, enfin, elle a des effets, pas dans toutes les îles alors. Hein. Évidemment, certaines îles vont être concernées. Les Hawaï, évidemment, avec à grande échelle, hein, avec véritablement une vraie économie de plantation qui se met en place, avec d'ailleurs des associations entre les missionnaires, des associations en particulier dynastiques, hein, par mariage, entre les missionnaires, des familles de missionnaires et des familles de planteurs. Également aux Fidji, sous domination britannique, dans lesquelles, pour mettre en place cette économie de plantation, dans un premier temps, dans ces îles, est pratiqué, comme pour l'Australie, des formes de traite un petit peu interne à l'espace pacifique, hein, ce qu'on appelle le blackbirding, la traite des merles. Et dans un second temps, en fait, on fait appel à des mains-d'œuvre venues de la façade asiatique, en particulier donc pour tout ce qui est île sous domination britannique, la main-d'œuvre indienne, évidemment, qui est un vivier formidable. Donc on a, en particulier aux Fidji, donc, l'installation d'une forte communauté indienne. D'abord, évidemment, des hommes, puis ces hommes souvent font souche et donc font venir des femmes. ce qui est à l'origine de la situation extrêmement explosive à l'heure actuelle encore au Fidji, où on a une communauté mélanésienne face à une très importante communauté indienne. Les Britanniques, d'ailleurs, à partir de l'établissement d'un vrai pouvoir colonial en 1874, ont tendance à favoriser très largement les Mélanésiens, sentant que ces Mélanésiens sont en train, effectivement, pourraient disparaître, en fait, sous le flux des Indiens. Et la clôture, selon vous, enfin, le système clos de la colonisation est parfait à partir de quel moment du 19e siècle? C'est quoi les années 1880, 1890, c'est-à-dire relativement tardivement dans cet espace géographique, Clairelot? C'est-à-dire qu'auparavant, on ne peut pas parler justement d'un système colonial totalement verrouillé et qu'il le devient vraiment avec la fin des révoltes, parce qu'on n'a pas parlé, mais il y a des révoltes régulières dans ces îles et en Polynésie en particulier contre les tutelles qui veulent s'imposer, les tutelles européennes qui veulent s'imposer. Alors, il y a des révoltes, effectivement, ponctuelles. Il y a une emprise, quand même, qui est, j'insiste là-dessus, très inégale. Hein. C'est-à-dire que, si on regarde une carte, effectivement, tout archipel est sous domination coloniale, dans une logique véritablement de partage, parce qu'il y a un certain nombre d'îles et d'archipels très isolés qui n'ont pas d'intérêt ni économique ni géostratégique. Donc, c'est un petit peu cette logique qui prévaut à la fin du 19e siècle. C'est-à-dire, l'essentiel, c'est que les autres n'aient pas. Hein. C'est vraiment une logique du partage pour le partage. Mais l'emprise est évidemment très, très inégale. C'est-à-dire que sur certaines îles, certaines îles entrent théoriquement, sont sous domination française ou britannique, mais en voyant très rarement des Français ou des Britanniques. C'est-à-dire que ça a très peu d'impact. Hein. Donc cet impact est très inégal. Et ce qui est intéressant, par exemple, dans le cas de l'Empire britannique, c'est que dès avant la fin de la guerre de 14, on a une sorte de régionalisation de la colonisation, c'est-à-dire que la Grande-Bretagne laisse un petit peu le pas sur le plan colonial à l'Australie et la Nouvelle-Zélande, qui vont être les sortes de puissances relais, qu'elles sont d'une certaine manière encore aujourd'hui. Hein. Romain Bertrand, c'est un espace géographique mal connu, on disait hier avec Michael Luquen, qui était notre invité, mal connu en particulier des historiens français. Vous pensez que ça vaut vraiment le coup de continuer à y travailler, à cet espace géographique, et justement à nuancer toute cette longue durée de la présence européenne dans cet espace géographique? Oui, bien sûr, ça vaut toujours la peine de s'intéresser à ce qu'on connaît moins. Comment répondre non en même temps? Non, mais non. Mais surtout parce que la plupart de ces espaces maritimes, qui ne sont pas taillés forcément à l'échelle des océans, mais qui sont des sous-régions, comme la mer des Sulu, la mer de Chine du Sud, les mers de l'archipel insulaire indien, l'océan Indien, etc., sont de formidables laboratoires historiographiques pour comprendre comment un certain nombre à la fois des mécanismes, des dispositifs pratiques et aussi des grandes thématiques de la modernité, comme le grand songe qui nous a si longtemps animés, ont pris forme. Voilà, donc ça vaut la peine, bien sûr, y compris pour penser, continuer à penser et à repenser, le cas échéant, l'histoire de l'Europe au long de l'époque moderne. Merci à toutes, merci à tous d'avoir participé à cette émission de conclusion de notre série sur l'histoire du Pacifique. Je rappelle que vous pouvez l'écouter, bien évidemment, sur le site internet pendant 1000 jours, la télécharger, cette émission, dans l'année qui suit. Allez discuter avec nous sur le groupe Facebook des Amis de la Fabrique de l'Histoire, nous suivre sur Twitter ou encore discuter sur ce site franceculture.fr. Il faut noter donc, Clairelot, que vous êtes auteur du Pacifique au 18e et 19e siècle chez Cartala, Romain Bertrand de l'Histoire à parts égales au Seuil, et qu'on attend avec impatience votre livre Clotilde Jacquelart aux éditions des Indes Savantes, de Séville à Manille, Les Espagnols en mer de Chine entre 1520 et 1610. Et je pense que les étudiants qui préparent l'agrégation ces temps-ci l'attendent avec d'autant plus impatience, puisque c'est au programme justement de la présence de l'Espagne et du monde dans le monde jusqu'en 1640. Merci en tous les cas d'être venus tous les trois à cette émission. Comme d'habitude, cette émission a été préparée par Marie-Vonne Abolivier et Aurélie Marcet. Clément Berman était à la technique et Françoise Camard à la réalisation.